Page 18. Libre expression. Les contraintes budgétaires s'amplifient en raison de la baisse des dotations d'État, 25% des ressources de la ville, mais aussi du fait des obligations normatives et des transferts de charges de l'État, rythme scolaire, actualisation du PLU, cadre de la fonction publique. Pour garder le cap que notre équipe s'est fixé devant vous en 2014, nous engageons un travail quotidien pour réduire nos dépenses sans remettre en cause la qualité de service apporté au public et préserver le pouvoir d'achat des habitants en stabilisant les impôts. Dans ce cadre, le projet de requalification du parc Saint-Fiacre et de construction de la nouvelle salle polyvalente poursuit son élaboration. Nous entrons à présent dans la phase des marchés pour une mise en chantier prévue en septembre 2016. Nous amplifions également notre recherche de subventions auprès de l'Europe, de la région, du département et de l'État. Ces aides compléteront la provision de 3 millions d'euros que nous avons anticipée ces dernières années pour planifier le financement de ce grand projet. Afin de contenir l'évolution des dépenses et préserver nos bons indicateurs de gestion, positionnés à 30% en dessous de notre strate de collectivité, nous avons également adopté le schéma de mutualisation communautaire avec les 24 communes du territoire. De même, face aux réformes posées par la loi NOTRe, nous avons amorcé avec tous les élus du pays de Château-Gontier la réflexion sur nos structures institutionnelles pour anticiper la réorganisation des collectivités. Consciente des enjeux et des indispensables adaptations que nous devons mettre en œuvre, notre équipe reste donc mobilisée autour de Philippe Henry pour répondre en proximité à vos attentes et expliquer les mutations. Les réunions de quartier des dernières semaines poursuivent cet objectif. Horizon 2020, notre avenir ensemble. Philippe Henry, Bruno Hérissé, Marilyn Das, Vincent Saulnier, Bénédicte Ferry, Laurent Rocher, Marielle Plancheneau-Michel, Ronald Corve, Edith Gerboin, Benoît Lyon, Mohamed Nouri, Martine Lemoine, Christiane Varret, Myriam Métiba, Christian Baudouin, Nadine Bruand, Jean Plard, Marivonne Vigneron, Daniel Bobard, Dominique Zon, Jacques Guérin, Anita Soupli, Bruno Lenormand, Barbara Gendry, Stéphane Mercier, Dominique Despré, Paul Roubac. Pendant un an, Thomas Richoux va résider au Paraguay. Depuis le 1er octobre, avec un autre Français expatrié, ils ont pour mission d'ouvrir et de pérenniser un centre culturel franco-paraguayen dans la ville de Ciudad del Este, à la frontière du Brésil et de l'Argentine. Thomas continuera à suivre attentivement la vie de notre ville à distance et réintégrera le conseil municipal en septembre 2016. L'arrivée massive de migrants en Europe a suscité de nombreux commentaires et pose à nouveau la question de l'accueil de ces personnes. Au prétexte que l'on ne connaît pas personnellement quelqu'un, qu'il n'est pas de notre famille ou un ami proche, nous serions moralement autorisés à ne pas aider des personnes en difficulté. Ce n'est pas ce que nous croyons. La solidarité envers les plus démunis, les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas choisi de connaître des difficultés et subissent la vie plus qu'ils n'en profitent. Il est toujours plus facile, plus simple de passer son chemin, de regarder ailleurs. Mais pour qu'une société fonctionne, il faut que nous vivions tous ensemble et que l'État, à travers ses instances municipales, départementales, régionales ou nationales, veille à ce que cette cohésion soit possible. C'est grâce au travail, au bénévolat dans les clubs de sport ou diverses associations que l'on avance, et nous tenons à remercier tous les citoyens castro-gontériens qui œuvrent pour le bon fonctionnement de la ville, malgré le manque de compréhension ou d'aide, parfois, de l'équipe municipale actuelle. Une commune, ce n'est pas seulement de la gestion administrative et financière, c'est avant tout l'humain qui doit être la priorité. Et nos jeunes enfants nous donnent de belles leçons d'humanité et d'ouverture d'esprit. À un père de famille qui demandait à sa fille s'il y avait beaucoup d'étrangers dans son école, elle a répondu « Non, il n'y a que des enfants ». À méditer. Avec vous, agissons pour notre ville. Yannick Ledroit, Delphine Subilo, Thomas Richoux. Nos inquiétudes continuent. La fibre arrive, mais toutes les communes rurales seront-elles bien desservies? Un délai raisonnable? Décider d'accueillir des migrants sans concertation ni débat au sein des conseils municipaux et communautaires montre une fois de plus l'autoritarisme du maire qui ne respecte ni les élus ni ceux qui les ont élus. Si nous sommes favorables à l'accueil de réfugiés, nous voulons pouvoir les choisir en fonction de différentes considérations légitimes pour ne pas fragiliser le bien-être de notre ville. La déchetterie et son système de badge préfigurent une facturation au passage. Nous risquons de décourager les contribuables avec des conséquences désastreuses. Ils ne sont pas des vaches à lait. Rocade Nord, nous contestons l'intérêt pour le dynamisme économique et le coût prohibitif servira les intérêts d'autres villes qui ne paieront pas les conséquences de ces investissements lourds. Écosystème, baisse des dotations de l'État, 250 kg correspondant à la charge supplémentaire des TAPS. Le maire, plutôt que de soutenir cette mauvaise réforme, aurait dû avoir le courage de la combattre. D'autres l'ont fait. Projet de salle polyvalente. Les photomontages mensongères. Ce projet ne tient pas compte du restaurant et personne ne sait comment il sera adapté. Ce projet, à l'architecture déplorable, ne valorisera pas notre ville. Pourquoi ne pas avoir pensé à un restaurant panoramique sur la structure, offrant une vue sur la Mayenne et notre ville? Encore un manque de vision de l'équipe en place. Enfin, nous nous interrogeons sur la course au mandat du maire et sur sa candidature à la région. Son appétit pour le pouvoir nous inquiète et ne nous semble pas sain. Maire, président de la communauté de communes, conseiller et vice-président du département, président de Mayenne Habitat, hôpital, autres syndicats, et bientôt conseiller régional? Et après, un cumul de missions, de mandats et de rémunérations qui frôle l'indécence. Signature, tous mobilisés. François Gonzague Meunier, Florence Guédon, Pierre Boulet.